Lettre 23e, Larissa à Giunia Marcella, Nisibis, septembre 301. La coupe amère du malheur a passé cette fois loin de ton ami. Nisibis est conquis. Démétrius et Agathoclès vivent encore. Ce dernier n'a point de blessure, et mon époux, grâce en soit rendue à Dieu, n'en a que de légères. Ah, mon ami, je me trouve si heureuse, et cependant combien de dangers m'entourent encore. Mais je les oublie, et ne cesse de rendre des actions de grâce à l'être suprême qui m'a conservé deux êtres si chers à mon cœur et m'a préservé du désespoir. Il a plu à la Providence, dont les voies mystérieuses ont toujours dirigé ma vie, de former entre mon ami et moi un nouveau lien. Ce sentiment, qui me paraissait si condamnable, est à présent justifié. Il m'est permis de l'aimer, de le chérir comme un bienfaiteur. Démétrius doit la vie à la fidélité, au courage, au dévouement d'Agathoclès. Oh, Giunia, quel sentiment divin renferme cette idée. Il m'est permis de l'aimer, de le regarder comme un frère, et j'ose lui montrer cette amitié si pure, cette reconnaissance si tendre. Loin d'être un crime, elles sont devenues un devoir. Giunia, je suis satisfaite, je ne demande plus rien, et quand même mon bonheur actuel ne devrait pas durer, j'aurais du moins été heureuse pendant ce court espace. Ce moment m'appartient. L'avenir, quel qu'il soit, ne peut me priver de ce rayon de lumière qui a ranimé mon existence. Il me donnera la force de supporter les malheurs qui m'attendent, car je vois déjà l'horizon s'obscurcir. Mais non encore pour moi, Giunia. Démétrius, Agathoclès, vivent, et tout est maintenant bonheur pour ta Larissa. Je vais te donner quelques détails sur cette mémorable journée qui m'a causé tant de sollicitude. Malgré les dangers de son poste, Agathoclès, le premier, escalada les murailles. Tu me permettras de passer sous silence cette scène de carnage et de mort. Après un combat de 2 heures, nos troupes entrèrent dans la ville, leur commandant à leur tête. Démétrius, d'un autre côté, réussit aussi dans son entreprise. Mais comme l'ennemi s'était attendu que l'attaque aurait principalement lieu sur ce point le plus faible de la place, il rencontra une plus grande résistance. Le combat fut de part et d'autre d'une opiniâtreté sans exemple. Ce fut ainsi que les nôtres arrivèrent jusque sur une grande place, où la garnison fit payer cher chaque pouce du terrain que nos troupes lui enlevèrent. Démétrius, enfin maître de cette place, vit sortir tout à coup d'une petite rue un corps de troupes ennemies, très supérieur en nombre, qui l'attaqua avec impétuosité. Ses braves soldats tombaient autour de lui. Presque seul, il se défendait contre ces furieux et allait succomber. Un des siens eut la présence d'esprit de courir vers Agathoclès et de l'avertir du danger imminent dont son général était menacé, oubliant toute considération personnelle, dédaignant jusqu'à la gloire de la victoire qu'il avait remportée. Agathoclès rassembla à l'instant quelques soldats dévoués et 1000 fois, au risque de sa vie, se fit jour à travers l'ennemi pour arriver à Démétrius, le joignit au moment où un époux, déjà tombé, allait recevoir le coup mortel. En parant de son cimetière l'arme déjà levée sur la tête de Démétrius, en le couvrant de son bouclier, il défendit ainsi la vie du général au risque de la sienne, jusqu'à l'arrivée d'un renfort qui permit au vertueux Agathoclès de soigner celui qu'il venait de sauver. Il le porta lui-même dans une maison voisine, en s'occupant uniquement des arrangements nécessaires pour soulager le blessé. Dès que l'ennemi eut entièrement évacué la place, il me dépêcha un express avec tout le ménagement dont son cœur était susceptible. Je volai vers Démétrius, je le trouvai, il est vrai, faible, souffrant, mais de très bonne humeur. Satisfait de la victoire et plein de reconnaissance pour son sauveur, c'est ainsi qu'il se plaisait à nommer Agathoclès. Il m'ordonna de le regarder comme un frère, comme un ami. Il me fut bien doux d'obéir. Le lendemain de mon arrivée à Nisibis, j'ai reçu une lettre de toi. Sans doute que mon changement de domicile lui a fait éprouver un long retard. Tu me parles avec tout l'intérêt de la véritable amitié, joint à la sévérité d'une vertueuse chrétienne, de ma situation. Non seulement tu me conseilles, mais tu me demandes avec instance de fuir un danger auquel tu crois que je succomberai infailliblement. Tu ne trouves d'autre moyen de salut qu'une séparation totale et prompte avec celui que je ne puis m'empêcher d'aimer. Tu exiges, cruel ami, que je me rende coupable de désobéissance envers Démétrius, que je m'expose à sa colère, à ses reproches, plutôt que de m'exposer à revoir le dangereux ennemi de mon repos, de ma vertu. Je ne nie point l'efficacité possible de cette séparation, s'il m'eût été possible de l'effectuer tout de suite. Toi, Junia, tu en aurais eu la force, et depuis le premier jour où le hasard t'aurait présenté celui que tu n'aurais cessé d'aimer, tu ne l'aurais plus revu. Mais je ne suis pas encore une Junia, et, ne me gronde pas, je t'en conjure, je ne puis me soumettre à un devoir aussi cruel, je ne crois même pas en avoir besoin. D'ailleurs, cela est impraticable à présent. Démétrius est extrêmement malade, non de sa blessure, mais d'une fièvre qui ne lui permet pas de se lever. La volonté du ciel s'est clairement prononcée. Je dois rester auprès de mon époux malade et lui consacrer mes soins. Mes rapports avec Agathoclès ont tout à fait changé. Cet embarras, cette gêne, ont cessé depuis qu'un nouveau lien, celui de la reconnaissance, autorise et cimente notre attachement réciproque. Démétrius traite à présent le compagnon de ma jeunesse avec l'amitié d'un père. Il ne peut se passer de l'avoir auprès de lui. Il partage mes soins. Mon époux paraît recevoir ceux de son légat avec autant de plaisir que les miens. Oh, Junia, que je suis heureuse! Lorsque Démétrius sommeille, il s'établit alors entre Agathoclès et moi une conversation sur le passé, qui le rend présent à mon cœur. Nous nous entourons de souvenirs aussi purs que touchants. Celui de sa respectable mère à qui nous avons tous les deux tant d'obligations revient sans cesse et nos larmes coulent ensemble. Elle se place encore entre nous comme au jour de notre heureuse enfance. Elle sanctifie notre attachement, en bannit tout ce qui ressemblerait à la passion et nous jouissons avec délices du bonheur de nous aimer maintenant avec autant d'innocence que lorsqu'elle nous réunissait dans ses bras maternels. Démétrius se réveille et sourit de plaisir en nous retrouvant près de lui. Nous lui faisons une lecture, où nous entamons un entretien intéressant, dont le sujet est assez souvent notre sainte religion, ses dogmes et sa doctrine. Tu sais que Démétrius est un chrétien comme il y en a peu, et que son zèle ardent lui a déjà suscité bien des chagrins. Il ne peut cependant se modérer. Il cherche à persuader à notre ami la vérité de cette sainte doctrine, et du bonheur assuré qu'elle lui promet dans l'autre vie, s'il a le courage de l'embrasser. Et Agathoclès? Ah, Junia, comme cela me fait du bien. Agathoclès paraît pénétré de la sainteté de notre religion, bien plus que je n'osais l'espérer. Démétrius, qui réfléchit sur son état en homme sage et qui ne se fait aucune illusion, a désiré en dernier lieu recevoir la communion. Toute notre maison a assisté à l'auguste cérémonie, sans en compter Agathoclès, quoiqu'il lui fût impossible d'y prendre part comme chrétien. J'ai vu qu'il était très ému, édifié même de la piété qui régnait dans l'assemblée. Il s'est mis à genoux en même temps que nous, et il a offert au Dieu inconnu son tribut d'amour et d'admiration. C'est du moins ce qu'il m'a dit ensuite. Jamais, Junia, il ne m'avait paru aussi intéressant, aussi vertueux, aussi digne d'être aimé que dans ce moment-là. Je me suis senti irrésistiblement entraîné vers lui. Ah, j'aurais pu, en présence de tout le monde, de mon époux lui-même, lui avouer mon amour pur et saint. Je lui dis que j'avais prié mon Dieu avec ardeur pour lui et pour son bonheur, et que j'adressais tous les jours les mêmes vœux au ciel. Je vis ses yeux se mouiller de larmes. Il a pris ma main, il l'a pressée en silence contre son cœur et s'est retiré précipitamment. M'a-t-il comprise, Junia? Sait-il ce que j'ai voulu lui dire et quel bonheur je lui désire? Oh, ma Junia, laisse-moi verser dans ton cœur mes espérances, mes projets et mes plaisirs. Je fus malheureuse si longtemps. Ne m'en veux pas si un rayon salutaire vient éclairer mes jours, si je me laisse entraîner à sa douce et consolante lumière. Rien n'est hasard dans ce monde, tout est destin. Tout est dirigé par une providence qui donne à la nature entière des lois immuables qu'il ne lui est pas plus possible d'enfreindre que de rappeler le jour d'hier. Tout nous entraîne vers un but sublime. Tout concourt à l'accomplissement de la volonté suprême du grand être. Il ne résulte pas de cette incontestable vérité que nous soyons forcés d'agir comme des machines. L'être suprême nous a doués d'une raison, d'une conscience. Et sous la conduite de la première et l'inspection de la seconde, il nous laisse la liberté de choisir, de rejeter, de concourir aux vues du grand tout, ou de nous en éloigner, de faire ainsi notre bonheur ou notre malheur individuel, mais nous ne pouvons rien changer à la chaîne des événements. Nos actions sont ou grandes ou rétrécies, ou coupables ou vertueuses, suivant l'empire que nous laissons prendre à nos passions. Mais nous pouvons concourir, pour notre part, au but toujours noble, toujours élevé que Dieu se propose. Je puis donc m'abandonner à la douce idée que ces événements sont arrivés pour le but que Dieu se proposait à l'égard d'Agathoclès. Pourquoi, parmi tant de généraux sous lesquels il pouvait servir, s'est-il trouvé précisément associé à celui près duquel il a retrouvé son ami d'enfance? Pourquoi a-t-il été par cela même rapproché d'une famille composée des plus zélés chrétiens? Pourquoi a-t-il été appelé à conserver la vie à Démétrius, à obtenir son amitié? Pourquoi ta lettre, qui m'aurait engagé à Édesse à me séparer de lui à tout prix, ne m'est-elle parvenue que lorsque ce sacrifice m'était devenu impossible? Toutes ces circonstances se sont réunies peut-être pour qu'Agathoclès devint chrétien, et pour lui accorder ainsi ce qui lui manquait pour être aussi parfait que peut l'être un mortel. Agathoclès, chrétien, Junia, pense à cette vertu sévère, à cette âme si noble, si élevée, à cet esprit si supérieur, fortifié par le christianisme. Je ne me plaindrai plus de mes peines. Je souffrirai tout sans murmure. Je n'ai pas trop payé ce moment de bonheur par 8 ans de sacrifice. Ta lettre me fait espérer l'arrivée d'Apelles, mon respectable instituteur. Il n'est point encore ici. Je comprends que la guerre, la destruction qui en est la suite, et notre changement de demeure aient retardé son arrivée. Combien je désire le voir. J'espère beaucoup du pouvoir de sa foi et de son éloquence si persuasive sur l'âme d'Agathoclès. Si Apelles réussit à achever ce grand ouvrage, c'est une obligation de plus que j'aurai à ton amitié et aux soins paternels de Théophon. Vous m'envoyez Apelles pour soutenir mon courage. Ah, quel frère, quel associé il va vous donner! Assure Théophon de ma tendresse familiale. Dis-lui que mon esprit est actuellement plus tranquille. Démétrius se trouve mieux et l'attribue à nos soins. J'éprouve une joie, un contentement qui me rappelle mon heureuse enfance. Pour la première fois depuis 8 ans, je pense à l'avenir sans crainte, sans terreur. Quoi qu'il puisse m'arriver, je suis prête à le recevoir avec soumission, et l'objet auquel je dois renoncer, j'y renoncerai sans murmure, c'est beaucoup. J'aurais été la plus heureuse de toutes les femmes, Dieu ne l'a pas voulu. S'il me veut pour lui seul, m'est-il permis de m'en plaindre? Adieu, ma Junia.